20 000 lieues sous les mers, tome 2, chapitre 5, Arabian Tunnel. Ce jour même, je rapportais à Conseil et à Ned Land la partie de cette conversation qui les intéressait directement. Lorsque je leur appris que, dans 2 jours, nous serions au milieu des eaux de la Méditerranée, Conseil battit des mains, mais le Canadien haussa les épaules. « Un tunnel sous-marin, s'écria-t-il. Une communication entre les deux mers? Qui a entendu parler de cela ?»« Ami Ned, répondit Conseil, aviez-vous jamais entendu parler du Nautilus ?»« Non, il existe cependant. Donc ne haussez pas les épaules si légèrement, et ne repoussez pas les choses sous prétexte que vous n'en avez jamais entendu parler. » Le soir même, par 21°30 de latitude nord, le Nautilus, flottant à la surface de la mer, se rapprocha de la côte arabe. J'aperçus Jeddah, important comptoir de l'Égypte, de la Syrie, de la Turquie et des Indes. Bientôt, Jeddah s'effaça dans les ombres du soir et le Nautilus rentra sous les eaux, légèrement phosphorescente. Le lendemain, 10 février, plusieurs navires apparurent qui couraient à contrebord de nous. Le Nautilus reprit sa navigation sous-marine. Mais à midi, au moment du point, la mer étant déserte, il remonta jusqu'à ligne de flottaison. Accompagné de Ned et de Conseil, je vins m'asseoir sur la plateforme. La côte à l'est se montrait comme une masse à peine estompée dans un humide brouillard. Appuyé sur les flancs du canot, nous causions de choses et d'autres quand Ned Land, tendant sa main vers un point de mer, me dit « Voyez-vous là quelque chose, monsieur le professeur ?»« Non, Ned, répondis-je, mais je n'ai pas vos yeux, vous le savez. »« Regardez bien, reprit Ned, là, par tribord devant, à peu près à la hauteur du fanal. Vous ne voyez pas une masse qui semble remuer ?»« En effet, dis-je après une attentive observation, j'aperçois un long corps noirâtre à la surface des eaux. »« Un autre Nautilus ?» dit Conseil. « Non, répondit le Canadien, mais je me trompe fort. » Ou c'est là quelque animal marin? Y a-t-il des baleines dans la mer Rouge? Demanda Conseil. Oui, mon garçon, répondis-je, on en rencontre quelquefois. Ce n'est point une baleine, reprit Ned Land, qui ne perdait pas des yeux l'objet signalé. Les baleines et moi, nous sommes de vieilles connaissances, et je ne me tromperai pas sur leur allure. Attendons, dit Conseil, le Nautilus se dirige de ce côté, et avant peu nous saurons à quoi nous en tenir. En effet, cet objet noirâtre ne fut bientôt qu'à 1 mille de nous. Il ressemblait à un gros écueil échoué en pleine mer. Qu'était-ce? Je ne pouvais encore me prononcer. Ah, il marche! Il plonge! S'écria Ned Land. Mille diables! Quel peut être cet animal? Il n'a pas la queue bifurquée, comme les baleines ou les cachalots, et ses nageoires ressemblent à des membres tronqués. Mais alors, fis-je. « Bon, reprit le Canadien, le voilà sur le dos, et il dresse ses mamelles en l'air. »« C'est une sirène ? » s'écria Conseil. « Une véritable sirène, n'en déplaise à monsieur. » Ce nom de sirène me mit sur la voie, et je compris que cet animal appartenait à cet ordre d'êtres marins dont la fable a fait les sirènes, moitié femme et moitié poisson. « Non, dis-je à Conseil, ce n'est point une sirène, mais un être curieux. » dont il reste à peine quelques échantillons dans la mer Rouge, c'est un dugong. Ordre des siréniens, groupe des pisciformes, sous-classe des monodelphiens, classe des mammifères, embranchement des vertébrés, répondit Conseil. Et lorsque Conseil avait ainsi parlé, il n'y avait plus rien à dire. Cependant, Ned Land regardait toujours. Ses yeux brillaient de convoitise à la vue de cet animal. Sa main semble prête à le harponner. On eût dit qu'il attendait le moment de se jeter à la mer pour l'attaquer dans son élément. « Oh, monsieur, me dit-il d'une voix tremblante d'émotion, je n'ai jamais tué de cela. » Tout le harponneur était dans le mot. À cet instant, le capitaine Nemo parut sur la plateforme. Il aperçut le dugong. Il comprit l'attitude du Canadien et, s'adressant directement à lui, « Si vous teniez un harpon, maître Land, est-ce qu'il ne vous brûlerait pas la main ?»« Comme vous dites, monsieur. »« Et il ne vous déplairait pas de reprendre pour un jour votre métier de pêcheur et d'ajouter ce cétacé à la liste de ceux que vous avez déjà frappés? Cela ne me déplairait point. Eh bien, vous pouvez essayer. Merci, monsieur, répondit Ned Land, dont les yeux s'enflammèrent. Seulement, reprit le capitaine, je vous engage à ne pas manquer cet animal, et cela dans votre intérêt. Est-ce que ce dugong est dangereux à attaquer? Demandai-je, malgré le haussement d'épaules de Ned. Oui, quelquefois, répondit le capitaine. Cet animal revient sur ses assaillants et chavire leur embarcation. Mais pour Maître Land, ce danger n'est pas à craindre. Son coup d'œil est prompt, son bras est sûr. Si je lui recommande de ne pas manquer ce dugong, c'est qu'on le regarde justement comme un fin gibier. Et je sais que Maître Land ne déteste pas les bons morceaux. Ah, fit le Canadien, cette bête-là se donne aussi le luxe d'être bonne à manger. Oui, Maître Land, sa chair, une viande véritable, est extrêmement estimée. Et on la réserve dans toute la Malaisie pour la table des princes. Aussi fait-on à cet excellent animal une chasse tellement acharnée que, de même que le lamantin, son congénère, il devient de plus en plus rare. Alors, monsieur le capitaine, dit sérieusement Conseil, si par hasard celui-ci était le dernier de sa race, ne conviendrait-il pas de l'épargner, dans l'intérêt de la science? Peut-être, répliqua le Canadien, mais dans l'intérêt de la cuisine, il vaut mieux lui donner la chasse. Faites donc, Maître Land, répondit le capitaine Nemo. À ce moment, sept hommes de l'équipage, muets et impassibles comme toujours, montèrent sur la plateforme. L'un portait un harpon et une ligne semblable à celle qu'emploient les pêcheurs de baleines. Le canot fut déponté, arraché de son alvéole, lancé à la mer. Six rameurs prirent place sur leur banc et le patron se mit à la barre. Ned, Conseil et moi, ne nous assîmes à l'arrière. « Vous ne venez pas, capitaine ? » demandai-je. « Non, monsieur, mais je vous souhaite une bonne chasse. » Le canot déborda et, enlevé par ses six avirons, il se dirigea rapidement vers le dugong qui flottait alors à 2 milles du Nautilus. Arrivé à quelques encablures du cétacé, il ralentit sa marche et les rames plongèrent sans bruit dans les eaux tranquilles. Ned Land, son harpon à la main, alla se placer debout sur l'avant du canot. Le harpon qui sert à frapper la baleine est ordinairement attaché à une très longue corde qui se dévide rapidement lorsque l'animal blessé l'entraîne avec lui. Mais ici la corde ne mesurait pas plus d'une dizaine de brasses et son extrémité était seulement frappée sur un petit baril qui, en flottant, devait indiquer la marche du dugong sous les eaux. Je m'étais levé et j'observais distinctement l'adversaire du Canadien. Ce dugong, qui porte aussi le nom d'alicore, ressemblait beaucoup au lamantin. Son corps oblong se terminait par une caudale très allongée et ses nageoires latérales par de véritables doigts. Sa différence avec le lamantin consistait en ce que sa mâchoire supérieure était armée de deux dents longues et pointues qui formaient de chaque côté des défenses divergentes. Ce dugong que Ned Land se préparait à attaquer avait des dimensions colossales et sa longueur dépassait au moins 7 mètres. Il ne bougeait pas et semblait dormir à la surface des flots, circonstance qui rendait sa capture plus facile. Le canot s'avança prudemment à 3 brasses de l'animal. Les avirons restèrent suspendus sur leurs dames. Je me levai à demi. Ned Land, le corps un peu rejeté en arrière, brandissait son harpon d'une main exercée. Soudain, un sifflement se fit entendre et le dugong disparut. Le harpon, lancé avec force, n'avait frappé que l'eau sans doute. « Mille diables ! » s'écria le Canadien furieux. « Je l'ai manqué !»« Non, dis-je, l'animal est blessé. Voici son sang. Mais votre engin ne lui est pas resté dans le corps. »« Mon harpon ! Mon harpon !» cria Ned Land. Les matelots se remirent à nager, et le patron dirigea l'embarcation vers le baril flottant. Le harpon repêché, le canot se mit à la poursuite de l'animal. Celui-ci revenait de temps en temps à la surface de l'eau pour respirer. Sa blessure ne l'avait pas affaibli, car il filait avec une rapidité extrême. L'embarcation, manœuvrée par des bras vigoureux, volait sur ses traces. Plusieurs fois, elle s'approcha à quelques brasses et le Canadien se tenait prêt à frapper, mais le dugong se dérobait par un plongeon subit, et il était impossible de l'atteindre. On juge de la colère qui surexcitait l'impatient Ned Land. Il lançait au malheureux animal les plus énergiques jurons de la langue anglaise. Pour mon compte, je n'en étais encore qu'au dépit de voir le dugong déjouer toutes nos ruses. On le poursuivit sans relâche pendant une heure, et je commençais à croire qu'il serait très difficile de s'en emparer, quand cet animal fut pris d'une malencontreuse idée de vengeance, dont il eut à se repentir. Il revint vers le canot pour l'assaillir à son tour. Cette manœuvre n'échappa point au Canadien. « Attention !» dit-il. Le patron prononça quelques mots de sa langue bizarre, et, sans doute, il prévint ses hommes de se tenir sur leur garde. Le dugong, arrivé à 20 pieds du canot, s'arrêta, huma brusquement l'air avec ses vastes narines percées, non à l'extrémité mais à la partie supérieure de son museau. Puis, prenant son élan, il se précipita sur nous. Le canot ne put éviter le choc. À demi renversé, il embarqua 1 ou 2 tonnes d'eau qu'il fallut vider, mais, grâce à l'habileté du patron, abordé de biais et non de plein, il ne chavira pas. Ned Land, cramponné à l'étrave, lardait de coups de harpon le gigantesque animal qui, de ses dents incrustées dans le plat-bord, soulevait l'embarcation hors de l'eau comme un lion fait d'un chevreuil. Nous étions renversés les uns sur les autres, et je ne sais trop comment aurait fini l'aventure si le Canadien, toujours acharné contre la bête, ne l'eût enfin frappé au cœur. J'entendis le grincement des dents sur la tôle, et le dugong disparut, entraînant le harpon avec lui. Mais bientôt le baril revint à la surface, et peu d'instants après apparut le corps de l'animal retourné sur le dos. Le canot le rejoignit, le prit à la remorque et se dirigea vers le Nautilus. Il fallut employer des palans d'une grande puissance pour hisser le dugong sur la plateforme. Il pesait 5 000 kilogrammes. On le dépeça sous les yeux du Canadien qui tenait à suivre tous les détails de l'opération. Le jour même, le steward me servit au dîner quelques tranches de cette chair habilement apprêtée par le cuisinier du bord. Je la trouvai excellente et même supérieure à celle du veau, sinon du bœuf. Le lendemain, 11 février, l'office du Nautilus s'enrichit encore d'un gibier délicat. Une compagnie d'hirondelles de mer s'abattit sur le Nautilus. C'était une espèce de Sterna nicolica, particulière à l'Égypte, dont le bec est noir, la tête grise et pointillée. L'œil entouré de points noirs, le dos, les ailes et la queue grisâtre, le ventre et la gorge blancs, les pattes rouges. On prit aussi quelques douzaines de canards du Nil, oiseaux sauvages, d'un haut goût, dont le cou et le dessus de la tête sont blancs et tachetés de noir. La vitesse du Nautilus était alors modérée. Il s'avançait en flânant, pour ainsi dire. J'observai que l'eau de la mer Rouge devenait de moins en moins salée, à mesure que nous approchions de Suez. Vers 5 heures du soir, nous relevions au nord le cap de Ras Mohammed. C'est ce cap qui forme l'extrémité de l'Arabie pétrée, comprise entre le golfe de Suez et le golfe d'Aqaba. Le Nautilus pénétra dans le détroit de Jubal, qui conduit au golfe de Suez. J'aperçus distinctement une haute montagne dominant entre les deux golfes de Ras Mohammed. C'était le mont Horeb, ce Sinaï, au sommet duquel Moïse vit Dieu face à face, et que l'esprit se figure incessamment couronné d'éclairs. À 6 heures, le Nautilus, tantôt flottant, tantôt immergé, passait au large de Tor, assis au fond d'une baie dont les eaux paraissaient teintées de rouge. Observation déjà faite par le capitaine Nemo. Puis la nuit arriva. Au milieu d'un lourd silence que rompait parfois le cri d'un pélican et de quelques oiseaux de nuit, le bruit du ressac irrité par les rocs ou le gémissement lointain d'un steamer battant les eaux du golfe de ses pales sonores. De 8 à 9 heures, le Nautilus demeura à quelques mètres sous les eaux. Suivant mon calcul, nous devions être très près de Suez. À travers les panneaux du salon, j'apercevais des fonds de rochers vivement éclairés par notre lumière électrique. Il me semblait que le détroit se rétrécissait de plus en plus. À 9h15, le bateau était revenu à la surface. Je montai sur la plateforme. Très impatient de franchir le tunnel du capitaine Nemo, je ne pouvais tenir en place et je cherchais à respirer l'air frais de la nuit. Bientôt, dans l'ombre, j'aperçus un feu pâle, à demi décoloré par la brume, qui brillait à 1 mille de nous. Un phare flottant, dit-on près de moi. Je me retournai et je reconnus le capitaine. C'est le feu flottant de Suez, reprit-il. Nous ne tarderons pas à gagner l'orifice du tunnel. L'entrée n'en doit pas être facile. Non, monsieur, aussi j'ai pour habitude de me tenir dans la cage du timonier pour diriger moi-même la manœuvre. Et maintenant, si vous voulez descendre, monsieur Aronnax, le Nautilus va s'enfoncer sous les flots, et il ne reviendra à leur surface qu'après avoir franchi l'Arabian Tunnel. Je suivis le capitaine Nemo. Le panneau se referma, les réservoirs d'eau s'emplirent, et l'appareil s'immergea d'une dizaine de mètres. Au moment où je me disposais à regagner ma chambre, le capitaine m'arrêta. « Monsieur le professeur, me dit-il, vous plairait-il de m'accompagner dans la cage du pilote ?»« Je n'osais vous le demander, répondis-je. « Venez donc, vous verrez ainsi tout ce que l'on peut voir de cette navigation, à la fois sous-terrestre et sous-marine. » Le capitaine me conduisit vers l'escalier central. À mi-rampe, il ouvrit une porte, suivit les coursives supérieures et arriva dans la cage du pilote qui, on le sait, s'élevait à l'extrémité de la plateforme. C'était une cabine mesurant 6 pieds sur chaque face, à peu près semblable à celle qu'occupent les timoniers des steamboats du Mississippi ou de l'Hudson. Au milieu se manœuvrait une roue disposée verticalement, engrenée sur les drosses du gouvernail qui couraient jusqu'à l'arrière du Nautilus. 4 hublots de verre lenticulaires, évidés dans les parois de la cabine, permettaient à l'homme de barre de regarder dans toutes les directions. Cette cabine était obscure, mais bientôt mes yeux s'accoutumèrent à cette obscurité, et j'aperçus le pilote, un homme vigoureux, dont les mains s'appuyaient sur les jantes de la roue. Au dehors, la mer apparaissait vivement éclairée par le fanal qui rayonnait en arrière de la cabine, à l'autre extrémité de la plateforme. « Maintenant, dit le capitaine Nemo, cherchons notre passage. » Des fils électriques reliaient la cage du timonier avec la chambre des machines, et de là le capitaine pouvait communiquer simultanément à son Nautilus la direction et le mouvement. Il pressa un bouton de métal et aussitôt la vitesse de l'hélice fut très diminuée. Je regardais en silence la haute muraille très accore que nous longions en ce moment, inébranlable base du massif sableux de la côte. Nous la suivîmes ainsi pendant 1 heure, à quelques mètres de distance seulement. Le capitaine Nemo ne quittait pas du regard la boussole suspendue dans la cabine à ses 2 cercles concentriques. Sur un simple geste, le timonier modifiait à chaque instant la direction du Nautilus. Je m'étais placé au hublot de bâbord et j'apercevais de magnifiques substractions de coraux, des zoophytes, des algues et des crustacés agitant leurs pattes énormes qui s'allongeaient hors des anfractuosités du roc. À 10h15, le capitaine Nemo prit lui-même la barre. Une large galerie, noire et profonde, s'ouvrait devant nous. Le Nautilus s'y engouffra hardiment. Un bruissement inaccoutumé se fit entendre sur ses flancs. C'étaient les eaux de la mer Rouge que la pente du tunnel précipitait vers la Méditerranée. Le Nautilus suivait le torrent, rapide comme une flèche, malgré les efforts de sa machine qui, pour résister, battait les flots à contre-hélice. Sur les murailles étroites du passage, je ne voyais plus que des raies éclatantes, des lignes droites, des sillons de feu, tracé par la vitesse sous l'éclat de l'électricité. Mon cœur palpitait, et je le comprimais de la main. À 10h35, le capitaine Nemo, abandonnant la roue du gouvernail et se retournant envers moi, « La Méditerranée, me dit-il. » En moins de 20 minutes, le Nautilus, entraîné par ce torrent, venait de franchir l'isthme de Suez.

notre vitesse fut-elle de 25 miles à l'heure, soit 12 lieues de 4 kilomètres. Il va sans dire que Ned Land, à son grand ennui, dut renoncer à ses projets de fuite. Il ne pouvait se servir du canot entraîné à raison de 12 à 13 mètres par seconde. Quitter le Nautilus dans ces conditions, c'eût été sauter d'un train marchant avec cette rapidité, manœuvre imprudente s'il en fut. D'ailleurs, notre appareil ne remontait que la nuit à la surface des flots afin de renouveler sa provision d'air, et il se dirigeait seulement suivant les indications de la boussole et les relèvements du loch. Le Nautilus, ayant dépassé le haut fond du détroit de Libye, reprit dans les eaux plus profondes sa vitesse accoutumée. Pendant la nuit du 16 au 17 février, nous étions entrés dans ce second bassin méditerranéen, dont les plus grandes profondeurs se trouvent par 3000 mètres. Le Nautilus, sous l'impulsion de son hélice, glissant sur ses plans inclinés, s'enfonça jusqu'aux dernières couches de la mer. Là, à défaut des merveilles naturelles, la masse des eaux offrit à mes regards bien des scènes émouvantes et terribles. En effet, nous traversions alors toute cette partie de la Méditerranée si féconde en sinistres. De la côte algérienne au rivage de la Provence, que de navires ont fait naufrage, que de bâtiments ont disparu. Ainsi, dans cette promenade rapide à travers les couches profondes, que d'épaves j'aperçus gisant sur le sol, les unes déjà empâtées par les coraux, les autres revêtues seulement d'une couche de rouille, des ancres, des canons, des boulets, des garnitures de fer, des branches d'hélice, des morceaux de machines, des cylindres brisés, des chaudières défoncées, puis des coques flottant entre deux eaux, celle-ci droite, celle-là renversée. De ces navires naufragés, les uns avaient péri par collision, les autres pour avoir heurté quelque écueil de granit. J'en vis qui avaient coulé à pic, la mâture droite, le gréement raidi par l'eau. Ils avaient l'air d'être à l'ancre, dans une immense rade foraine, et d'attendre le moment du départ. Lorsque le Nautilus passait entre eux et les enveloppait de ses nappes électriques, il semblait que ces navires allaient le saluer de leur pavillon et lui envoyer leur numéro d'ordre. Mais non, rien que le silence et la mort sur ce champ de catastrophe. J'observai que les fonds méditerranéens étaient plus encombrés de ces sinistres épaves à mesure que le Nautilus se rapprochait du détroit de Gibraltar. Les côtes d'Afrique et d'Europe se resserrent alors, et dans cet étroit espace, les rencontres sont fréquentes. Je vis là de nombreuses carènes de fer, des ruines fantastiques de steamers, les uns couchés, les autres debout, semblables à des animaux formidables. Un de ces bateaux, au flanc ouvert, sa cheminée courbée, ses roues dont il ne restait plus que la monture, son gouvernail séparé de l'étambeau et retenu encore par une chaîne de fer, son tableau d'arrière rongé par les sels marins, se présentait sous un aspect terrible. Combien d'existences brisées dans son naufrage, combien de victimes entraînées sous les flots. Quelques matelots du bord avaient-ils survécu pour raconter ce terrible désastre, ou les flots gardaient-ils encore le secret de ce sinistre? Cependant, le Nautilus, indifférent et rapide, courait à toute hélice au milieu de ses ruines. Le 18 février, vers 3 heures du matin, il se présentait à l'entrée du détroit de Gibraltar, et quelques minutes plus tard, nous flottions sur les flots de l'Atlantique. Chapitre 8. La baie de Vigo. Le Nautilus, sorti du détroit de Gibraltar, avait pris le large. Il revint à la surface des flots, et nos promenades quotidiennes sur la plateforme nous furent ainsi rendues. J'y montai aussitôt, accompagné de Ned Land et de Conseil. À une distance de 12 miles apparaissait vaguement le cap Saint-Vincent, qui forme la pointe sud-ouest de la péninsule hispanique. Il ventait un assez fort coup de vent du sud. La mer était grosse, houleuse. Elle imprimait de violentes secousses de roulis au Nautilus. Il était presque impossible de se maintenir sur la plateforme, que d'énormes paquets de mer battaient à chaque instant. Nous redescendîmes donc, après avoir humé quelques bouffées d'air. Je regagnai ma chambre. Conseil revint à sa cabine, mais le Canadien, l'air assez préoccupé, me suivit. Notre rapide passage à travers la Méditerranée ne lui avait pas permis de mettre ses projets à exécution, et il dissimulait peu son désappointement. Lorsque la porte de ma chambre fut fermée, il s'assit et me regarda silencieusement. « Ami Ned, lui dis-je, je vous comprends, mais vous n'avez rien à vous reprocher. Dans les conditions où naviguait le Nautilus, songer à le quitter eût été de la folie. » Ned Land ne répondit rien. Ses lèvres serrées, ses sourcils froncés, indiquaient chez lui la violente obsession d'une idée fixe. « Voyons, repris-je, rien n'est désespéré encore. Nous remontons la côte du Portugal. Non loin sont la France et l'Angleterre, où nous trouverions facilement un refuge. Ah, si le Nautilus sorti du détroit de Gibraltar avait mis le cap au sud, s'il nous eût entraînés vers ces régions où les continents manquent, je partagerais vos inquiétudes. Mais nous le savons maintenant, le capitaine Nemo ne fuit pas les mers civilisées, et dans quelques jours, je crois que vous pourrez agir avec sécurité. » Ned Land me regarda plus fixement encore et, desserrant enfin les lèvres, « C'est pour ce soir, » dit-il. Je me redressai subitement. J'étais, je l'avoue, peu préparé à cette communication. J'aurais voulu répondre au Canadien, mais les mots ne me vinrent pas. « Nous étions convenus d'attendre une circonstance, » reprit Ned Land. « La circonstance, je la tiens. Ce soir, nous ne serons qu'à quelques miles de la côte espagnole. La nuit est sombre, le vent souffle du large. J'ai votre parole, monsieur Aronnax, et je compte sur vous. » Comme je me taisais toujours, le Canadien se leva et se rapprochant de moi. « Ce soir, à 9 heures, dit-il, j'ai prévenu Conseil. À ce moment-là, le capitaine Nemo sera enfermé dans sa chambre et probablement couché. Ni les mécaniciens, ni les hommes de l'équipage ne peuvent nous voir. Conseil et moi, nous gagnerons l'escalier central. Vous, monsieur Aronnax, vous resterez dans la bibliothèque à 2 pas de nous, attendant mon signal. Les avirons, le mât et la voile sont dans le canot. Je suis même parvenu à y porter quelques provisions. Je me suis procuré une clé anglaise pour dévisser les écrous qui attachent le canot à la coque du Nautilus. Ainsi, tout est prêt. À ce soir. La mer est mauvaise, dis-je. J'en conviens, répondit le Canadien, mais il faut risquer cela. La liberté vaut qu'on la paie. D'ailleurs, l'embarcation est solide et quelques miles avec un vent qui porte ne sont pas une affaire. Qui sait si, demain, nous ne serons pas 100 lieues au large. Que les circonstances nous favorisent, et entre 10 et 11 heures, nous aurons débarqué sur quelque point de la terre ferme, où nous serons morts. Donc, à la grâce de Dieu, et à ce soir. Sur ce mot, le Canadien se retira, me laissant presque abasourdi. J'avais imaginé que, le cas échéant, j'aurais eu le temps de réfléchir, de discuter. Mon opiniâtre compagnon ne me le permettait pas. Que lui aurais-je dit après tout? Ned Land avait 100 fois raison. Pouvais-je revenir sur ma parole et assumer cette responsabilité de compromettre, dans un intérêt tout personnel, l'avenir de mes compagnons? Demain, le capitaine Nemo ne pouvait-il pas nous entraîner au large de toute terre? À ce moment, un sifflement assez fort m'apprit que les réservoirs se remplissaient, et le Nautilus s'enfonça sous les flots de l'Atlantique. Je n'avais pas revu le capitaine depuis notre visite à l'île de Santorin. Le hasard devait-il me mettre en sa présence avant notre départ? Je le désirais, et je le craignais tout à la fois. J'écoutais si je ne l'entendais pas marcher dans sa chambre contiguë à la mienne. Aucun bruit ne parvint à mes oreilles. Cette chambre devait être déserte. Alors, j'en vins à me demander si cet étrange personnage était à bord. Depuis cette nuit pendant laquelle le canot avait quitté le Nautilus pour un service mystérieux, mes idées s'étaient, en ce qui le concernait, légèrement modifiées. Je pensais, bien qu'il eût pu dire, que le capitaine Nemo devait avoir conservé avec la Terre quelques relations d'une certaine espèce. Ne quittait-il jamais le Nautilus? Des semaines entières s'étaient souvent écoulées sans que je l'eusse rencontré. Que faisait-il pendant ce temps? Et, alors que je le croyais en proie à des accès de misanthropie, n'accomplissait-il pas au loin quelque acte secret dont la nature m'échappait jusqu'ici? Je voulus revoir le salon une dernière fois. Je pris par les coursives, et j'arrivai dans ce musée où j'avais passé tant d'heures agréables et utiles. Je regardais toutes ces richesses, tous ces trésors, comme un homme à la veille d'un éternel exil, et qui part pour ne plus revenir. Ces merveilles de la nature, ces chefs-d'œuvre de l'art, entre lesquels depuis tant de jours se concentrait ma vie, j'allais les abandonner pour jamais. J'aurais voulu plonger mes regards par la vitre du salon, à travers les eaux de l'Atlantique, mais les panneaux étaient hermétiquement fermés, et un manteau de tôle me séparait de cet océan que je ne connaissais pas encore. En parcourant ainsi le salon, j'arrivai près de la porte, ménagée dans le pan coupé, qui s'ouvrait sur la chambre du capitaine. À mon grand étonnement, cette porte était entrebâillée. Je reculai involontairement. Si le capitaine Nemo était dans sa chambre, il pouvait me voir. Cependant, n'entendant aucun bruit, je m'approchai. La chambre était déserte. Je poussai la porte. Je fis quelques pas à l'intérieur. Toujours le même aspect sévère, cénobitique. En cet instant, quelques eaux fortes suspendues à la paroi et que je n'avais pas remarquées pendant ma première visite frappèrent mes regards. C'étaient des portraits de ces grands hommes historiques dont l'existence n'a été qu'un perpétuel dévouement à une grande idée humaine. Kosciusko, le héros tombé au cri de Finis Poloniae. Botzaris, le Léonidas de la Grèce moderne. O'Connell, le défenseur de l'Irlande. Washington, le fondateur de l'Union américaine. Mana, le patrione italien. Lincoln, mort sous la balle d'un esclavagiste. Et enfin ce martyr de l'affranchissement de la race noire, John Brown, suspendu à son gibet, tel que l'a si terriblement dessiné le crayon de Victor Hugo. Quel lien existe-t-il entre ces âmes héroïques et l'âme du capitaine Nemo? Pouvais-je enfin, de cette réunion de portraits, dégager le mystère de son existence? Était-il le champion des peuples opprimés, le libérateur des races esclaves? Avait-il figuré dans les dernières commotions politiques ou sociales de ce siècle? Avait-il été l'un des héros de la terrible guerre américaine, guerre lamentable et à jamais glorieuse? Tout à coup, l'horloge sonna 8 heures. Le battement du premier coup de marteau sur le timbre m'arracha à mes rêves, je tressaillis comme si un œil invisible eût pu plonger au plus secret de mes pensées, et je me précipitai hors de la chambre. Là, mes regards s'arrêtèrent sur la boussole. Notre direction était toujours au nord. Le loch indiquait une vitesse modérée, le manomètre une profondeur de 60 pieds environ. Les circonstances favorisaient donc les projets du Canadien. Je regagnai ma chambre. Je me vêtis chaudement, bottes de mer, bonnet de loutre, casaque de byssus doublé de peau de phoque. J'étais prêt. J'attendis. Les frémissements de l'hélice troublaient seuls le silence profond qui régnait à bord. J'écoutais, je tendais l'oreille. Quelques éclats de voix ne m'apprendraient-ils pas tout à coup que Ned Land venait d'être surpris dans ses projets d'évasion? Une inquiétude mortelle m'envahit. À 9 heures moins quelques minutes, je collai mon oreille près de la porte du capitaine. Nul bruit. Je quittai ma chambre et je revins au salon, qui était plongé dans une demi-obscurité, mais désert. J'ouvris la porte, communiquant avec la bibliothèque. même clarté insuffisante, même solitude. J'allais me poster près de la porte qui donnait sur la case de l'escalier central. J'attendis le signal de Ned Land. À ce moment, les frémissements de Lely se diminuèrent sensiblement, puis ils cessèrent tout à fait. Pourquoi ce changement dans les allures du Nautilus? Cette halte favoriserait-elle ou gênerait-elle les desseins de Ned Land? Je n'aurais pu le dire. Le silence n'était plus troublé que par les battements de mon cœur. Soudain, un léger choc se fit sentir. Je compris que le Nautilus venait de s'arrêter sur le fond de l'océan. Mon inquiétude redoubla. Le signal du Canadien ne m'arrivait pas. J'avais envie de rejoindre Ned pour l'engager à remettre sa tentative. Je sentais que notre navigation ne se faisait plus dans les conditions ordinaires. À ce moment, la porte du grand salon s'ouvrit et le capitaine Nemo parut. Il m'aperçut et sans autre préambule. « Ah, monsieur le professeur, dit-il d'un ton aimable, je vous cherchais. Savez-vous l'histoire de l'Espagne ? On saurait à fond l'histoire de son propre pays que, dans les conditions où je me trouvais, l'esprit troublé, la tête perdue, on ne pourrait en citer un mot. « Eh bien, reprit le capitaine Nemo, vous avez entendu ma question ? Savez-vous l'histoire d'Espagne ?»« Très mal, répondis-je. » « Voilà bien les savants, dit le capitaine. Ils ne savent pas. Alors asseyez-vous, ajouta-t-il, et je vais vous raconter un curieux épisode de cette histoire. » Le capitaine s'étendit sur un divan et, machinalement, je pris place auprès de lui dans la pénombre. « Monsieur le professeur, me dit-il, écoutez-moi bien. Cette histoire vous intéressera par un certain côté, car elle répondra à une question que, sans doute, vous n'avez pu résoudre. » « Je vous écoute, capitaine, dis-je, ne sachant où mon interlocuteur voulait en venir, et me demandant si cet incident se rapportait à nos projets de fuite. « Monsieur le professeur, reprit le capitaine Nemo, si vous le voulez bien, nous remonterons à 1702. Vous n'ignorez pas qu'à cette époque, votre roi Louis XIV, croyant qu'il suffisait d'un geste de potentat pour faire rentrer les Pyrénées sous terre, avait imposé le duc d'Anjou, son petit-fils, aux Espagnols. Ce prince, qui régna plus ou moins mal sous le nom de Philippe V, eut affaire au dehors à forte partie. En effet, l'année précédente, les maisons royales de Hollande, d'Autriche et d'Angleterre avaient conclu à La Haye un traité d'alliance, dans le dessein d'arracher la couronne d'Espagne à Philippe V, afin de la placer sur la tête d'un archiduc auquel elles donnèrent prématurément le nom de Charles III. L'Espagne dut résister à cette coalition, mais elle était à peu près dépourvue de soldats et de marins. Cependant, l'argent ne lui manquait pas, à la condition toutefois que ses galions chargés de l'or et de l'argent de l'Amérique entrassent dans ses ports. Or, vers la fin de 1702, elle attendait un riche convoi que la France faisait escorter par une flotte de 23 vaisseaux commandé par l'amiral de Château-Renaud, car les marins coalisés couraient alors sur l'Atlantique. Ce convoi devait se rendre à Cadix, mais l'amiral, ayant appris que la flotte anglaise croisait dans ses parages, résolut de rallier un port de France. Les commandants espagnols du convoi protestèrent contre cette décision. Ils voulurent être conduits dans un port espagnol, et, à défaut de Cadix, dans la baie de Vigo, située sur la côte nord-ouest de l'Espagne et qui n'était pas bloquée. L'amiral de Château-Renaud eut la faiblesse d'obéir à cette injonction, et les galions entrèrent dans la baie de Vigo. Malheureusement, cette baie forme une rade ouverte qui ne peut être aucunement défendue. Il fallait donc se hâter de décharger les galions avant l'arrivée des flottes coalisées, et le temps n'eût pas manqué à ce débarquement si une misérable question de rivalité n'eût surgi tout à coup. « Vous suivez bien l'enchaînement des faits ?» me demanda le capitaine Nemo. « Parfaitement, dis-je, ne sachant encore à quel propos m'était faite cette leçon d'histoire. » Je continue. Voici ce qui se passa. Les commerçants de Cadix avaient un privilège, d'après lequel ils devaient recevoir toutes les marchandises qui venaient des Indes occidentales. Or, débarquer les lingots des galions au port de Vigo, c'était aller contre leurs droits. Ils se plaignirent donc à Madrid, et ils obtinrent, du faible Philippe V, que le convoi, sans procéder à son débarquement, resterait en séquestre dans la rade de Vigo, jusqu'au moment où les flottes ennemies se seraient éloignées. Or, pendant que l'on prenait cette décision, le 22 octobre 1702, les vaisseaux anglais arrivèrent dans la baie de Vigo. L'amiral de Château-Renaud, malgré ses forces inférieures, se battit courageusement, mais quand il vit que les richesses du convoi allaient tomber entre les mains des ennemis, il incendia et saborda les galions, qui s'engloutirent avec leurs immenses trésors. Le capitaine Nemo s'était arrêté. Je l'avoue, je ne voyais pas encore en quoi cette histoire pouvait m'intéresser. « Eh bien, lui demandai-je. « Eh bien, monsieur Aronnax, me répondit le capitaine, nous sommes dans cette baie de Vigo, et il ne tient qu'à vous d'en pénétrer les mystères. » Le capitaine se leva et me pria de le suivre. J'avais eu le temps de me remettre. J'obéis. Le salon était obscur, mais à travers les vitres transparentes étincelaient les flots de la mer, je regardais. Autour du Nautilus, dans un rayon d'un demi-mille, les eaux apparaissaient imprégnées de lumière électrique. Le fond sableux était net et clair. Les hommes de l'équipage, revêtus de scaphandres, s'occupaient de déblayer des tonneaux à demi pourris, des caisses éventrées, au milieu d'épaves encore noircies. De ces caisses, de ces barils, s'échappaient des lingots d'or et d'argent, des cascades de piastres et de bijoux. Le sable en était jonché. Puis, chargés de ce précieux butin, ces hommes revenaient au Nautilus, y déposaient leur fardeau, et allaient reprendre cette inépuisable pêche d'argent et d'or. Je comprenais. C'était ici le théâtre de la bataille du 22 octobre 1702. Ici même avaient coulé les galions chargés pour le compte du gouvernement espagnol. Ici le capitaine Nemo venait encaisser, suivant ses besoins, les millions dont il lestait son Nautilus. C'était pour lui seul, que l'Amérique avait livré ses précieux métaux. Il était l'héritier direct et sans partage de ses trésors arrachés aux Incas, aux vaincus de Fernand Cortés. « Saviez-vous, monsieur le professeur, me demanda-t-il en souriant, que la mer contint tant de richesses ? Je savais que l'on évalue à 2 millions de tonnes l'argent qui est tenu en suspension dans ses eaux. Sans doute, mais pour extraire cet argent, les dépenses l'emporteraient sur le profit. Ici, je n'ai qu'à ramasser ce que les hommes ont perdu, et non seulement dans cette baie de Vigo, mais encore sur 1000 théâtres de naufrage dont ma carte sous-marine a noté la place. Comprenez-vous maintenant que je sois riche à milliards ? Je le comprends, capitaine. Permettez-moi pourtant de vous dire qu'en exploitant précisément cette baie de Vigo, vous n'avez fait que devancer les travaux d'une société rivale. Et laquelle ? Une société qui a obtenu du gouvernement espagnol le privilège de rechercher les galions engloutis. Les actionnaires sont alléchés par l'appât d'un énorme bénéfice, car on évalue à 500 millions la valeur de ces richesses naufragées. 500 millions, me répondit le capitaine Nemo. Ils y étaient, mais ils n'y sont plus. En effet, dis-je, aussi un bon avis à ses actionnaires serait-il acte de charité. Qui sait pourtant s'il serait bien reçu? Ce que les joueurs regrettent par-dessus tout, d'ordinaire, c'est moins la perte de leur argent que celle de leurs folles espérances. Je les plains moins, après tout, que ces milliers de malheureux auxquels tant de richesses bien réparties eussent pu profiter, tandis qu'elles seront à jamais stériles pour eux. Je n'avais pas plutôt exprimé ce regret que je sentis qu'il avait dû blesser le capitaine Nemo. « Stérile ? » répondit-il en s'animant. « Croyez-vous donc, monsieur, que ces richesses soient perdues, alors que c'est moi qui les ramasse ? Est-ce pour moi, selon vous, que je me donne la peine de recueillir ces trésors ? Qui vous dit que je n'en fais pas un bon usage ? Croyez-vous que j'ignore qu'il existe des êtres souffrants, des races opprimées sur cette terre, des misérables à soulager, des victimes à venger ? Ne comprenez-vous pas ? » Le capitaine Nemo s'arrêta sur ces dernières paroles, regrettant peut-être d'avoir trop parlé. Mais j'avais deviné. quels que fussent les motifs qui l'avaient forcé à chercher l'indépendance sous les mers, avant tout, il était resté un homme. Et je compris alors à qui étaient destinés ces millions expédiés par le capitaine Nemo, lorsque le Nautilus naviguait dans les eaux de la crête insurgée.